Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Impact Wessels. On est un comité de spécialistes qui avons vu donc Bound for Glory, le grand pay-per-view de l'année, probablement le dernier numéro de l'année 2014 de la TNA en tout cas. Salut, c'est moi Bruce T. Donc avec moi l'inamovible spécialiste de la TNA Made in Alsace. J'ai pas dit Allemagne pour une fois. Pour une fois, ouais. Bon ben, salut à tous. Hein. Je Oh vous non, avoue que non. tu veux que je fasse à l'ancienne? Voilà. Bonsoir à tous. Ah, c'est mythique, c'est une catchphrase incontournable, ça. Donc, bien sûr, vous avez reconnu Sébastien, donc. Eh oui, c'est moi. Voilà. Et donc aussi avec nous, la dernière fois, on était un comité de sud. Cette fois-ci, je suis un peu isolé, moi, parce que c'est un ch'ti qui est avec moi aussi. C'est Vincent. Salut, Vincent. Salut, vous aussi. Donc sur ce, après un petit jingle au programme, donc on va revenir sur Bound for Glory. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà pour l'analyse donc de Bound for Glory, le grand pay-per-view annuel de la TNA qui, pour la toute première fois, s'exporte à l'étranger. C'était au Japon, à Tokyo, au Korakuen Hall. Salle bien connue, c'est celle qui a attiré le plus de shows de catch au Japon. J'ai pas le chiffre précis évidemment, mais voilà, 1500 spectateurs, une salle quasi pleine, ça peut atteindre quand même 2000 spectateurs. Finalement, c'est un peu le même chiffre que s'ils a fait aux États-Unis, je pense. Et le public d'abord, juste avant de commencer, de nous y plonger, le public, vous avez trouvé comment? Ben, personnellement, j'étais assez bien surpris quand même, parce que je connais pas trop le public japonais. C'est vrai que je regarde extrêmement rarement ce genre de produit-là. D'après ce que j'en entendais, c'est une foule qui est très silencieuse et qui se manifeste assez peu dans les combats. Et là, j'ai trouvé qu'elle était quand même assez active tout au long du show, avec des fans qui étaient des connaisseurs de la TNA, qui supportaient même plus souvent les catcheurs de la TNA plutôt que les catcheurs locaux. Donc moi j'ai trouvé que la foule était assez bonne finalement. Pareillement, Sébastien, je me suis même demandé à un moment s'ils n'avaient pas été payés pour supporter les gars de la TNA. Mais bon, je me suis dit que vu les finances de Dixie Carter, ça doit pas être ça. Les commentateurs Mike Tinay et Taz ont beaucoup insisté sur le fait qu'au Japon, le public est beaucoup plus calme. Et ça m'a un peu énervé parce que c'est pas vraiment vrai. Enfin, c'est moins le cas en 2014, on va dire, parce que si vous regardez les shows de la New Japan, le public est beaucoup plus réactif, le public est beaucoup plus proche du public américain que il y a quelques années, quoi. Ah oui, ça a changé. De toute façon, la fanbase est devenue plus internationale. Le catch japonais s'est quand même ouvert. Donc avant, il n'était pas non plus fermé, mais bon, là, il est plus que jamais internationalisé. Il y a qu'à voir là déjà la Wrestle One. Et donc forcément, cette ouverture a fait aussi augmenter, j'irais, la culture catch des spectateurs qui suivent à peu près tout. Et puis en plus, qui connaissaient déjà, bon, va y venir là assez vite. Certains déjà, de la TNA. Donc ça aide aussi, je dirais. C'est pas non plus les amnésiques, et c'est quand même des connaisseurs qui savent quand même apprécier les choses. Donc voilà. On va commencer avec un match justement avec un qui était passé par le Japon au début, mais sous l'identité de TJ Perkins, mais là avec le masque ça donne manique, et qui affrontait son ancien mentor d'ailleurs au Japon, Minoru Tanaka, un vétéran qui a fait ses armes à NJPW, au profil High Flyer. Donc ça a donné un match type X Division, tel que c'était présenté d'ailleurs par Jérémy Borash, et ça a été gagné par Minoru Tanaka par soumission après 9 minutes 53. Vincent. À ne pas confondre Minoru Tanaka avec Masato Tanaka, qui est un autre catcheur japonais très populaire, Et connu avec par les fans. Suzuki, ça fait des Oui. mix, ça. Mais Masato Tanaka, c'est un catcheur qui est passé par l'ECW à la fin des années 90, qui est aussi assez populaire au Japon et connu aux États-Unis. J'ai trouvé le match plutôt bon, un des meilleurs de la soirée pour moi. Et j'ai l'impression que Manic est plus à l'aise depuis qu'il est avec James Storm qu'avant. Alors après, c'est peut-être juste une impression, hein. Parce que son talent dans le ring ne change pas, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ce personnage. Bah disons qu'avant c'est pas trop dur parce que déjà sous le Manic qui avait remplacé Suicide, bah, il apparaissait quasi pas donc voilà. Donc à chaque fois qu'il apparaissait forcément c'était paradoxalement d'ailleurs il a fait à peu près tous les gros shows, il était à C'est l'opéra, ça. voilà. Il avait affronté Tigre et Uno, il me semble, si je confonds pas. C'est assez paradoxal, mine de rien. Il fait le grand chelem, hein. Si je me rappelle bien, il a signé l'an dernier un contrat de plusieurs années avec la tienne, et donc forcément, enfin, s'ils l'ont fait signer un contrat de plusieurs années, c'est pour l'utiliser, donc c'est logique que ce soit l'un des catcheurs récurrents de la X-Division. Un peu comme on voit régulièrement à Impact Gunner ou Bram, c'est des catcheurs aussi qui ont signé des contrats de plusieurs années avec la tienne, donc forcément, c'est les catcheurs sur lesquels la tienne se repose. Sur le match, on commence déjà par le show stealer carrément. Non pas que c'est un match mythique non plus, mais qui s'enchaîne très bien. Il y a vraiment de bonnes choses. Bon, il y a un rôle de favori du public évidemment et de vicieux de heel qui est bien défini. Mais toutefois, Manic enchaîne bien. On le voit que au Japon, il est quand même à l'aise. C'est quand même un territoire qu'il connaît bien, donc. Du coup, ça donne un début intéressant, ça y a rien à dire. Hein. Si je me trompe pas, aux commentaires, ils ont dit que pour la première fois que Manic avait combattu au Japon, c'est à l'âge de 18 ans. Donc forcément, c'était pas sous le nom de Manic, c'était sous le nom de TJ Perkins, mais C'est apparemment, c'était à vrai. l'âge de 18 ans. C'est vrai, et sous forme de transition d'ailleurs, en parlant des commentateurs, ils n'étaient pas présents au show, ils étaient dans un studio à Nashville aux États-Unis. Hein, donc, Et gros paradoxe à ce sujet. Dans le même temps, t'as Théian Varini et Grégory Diss qui étaient sur place. Grégory dit, je suis pas sûr. Varini, oui, Ah, c'est sûr. Théian Varini, oui, alors, ça c'est sûr. On l'a même d'ailleurs vu, aperçu, en tout cas, dans la cérémonie du Hall of Fame. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Juste donner rapidement mon point de vue sur le match. Moi, je suis globalement d'accord avec vous. Hein. C'est un match qui démarre très bien la soirée, une bonne action exhibition. Après, ils sont assez limités par le fait qu'ils n'ont pas d'histoire. Hein. D'ailleurs, c'est le cas sur plusieurs matchs de cette soirée. Il n'y a aucune rivalité. C'est des matchs qui ont été placés là presque au hasard, finalement. Mais ils réussissent quand même à sortir le meilleur de la situation avec de la très bonne action in-ring. Et c'est ce qu'on leur demandait vu la situation. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Par contre, on va dire quelque chose de très différent, à mon avis, sur le match qui suit. Parce que ça opposait Ethan Carter III à Ryoto Hama. Ryoto Hama, c'est un ancien sumo et qui ressemble énormément à Rikishi en japonais, quoi. Qui a les mêmes moves, la même tenue et tout ça. Donc voilà. À l'arrivée, c'est EC3 qui s'est imposé après 5 minutes 50. Il avait une pompe au début, plus 3 à la fin, en même temps on comprend, vu que bon, il a été archi dominé, il a gagné à la fin après un low blow devant l'arbitre. C'est. Voilà, c'est du vintage EC3, quoi. Et le Mais il faut personnage. dire, il y a tellement de graisse que l'arbitre n'a pas pu voir le pied de Oui. Essifli ou de l'autre. Après, voilà. Après, sur Rama en lui-même, j'ai pas trop de critiques à faire. Après, on le sait, c'est tellement dur de catcher avec un big, et puis là on voit la différence, donc forcément. Surtout qu'avec le physique que Amaa, c'est pas non plus, enfin, c'est un poids lourd, mais plutôt un super poids lourd dans le sens où c'est super compliqué à manœuvrer pour Ethan Carter 3. Ah oui, parce qu'il y a le quinta à l'écran. Mais dans ce genre de match, il y a un certain état d'esprit à avoir avant de rentrer dans ce combat. Forcément, je me dis que je peux avoir un classique technique avec le gabarit du catcheur japonais là. Donc, partant de ce point de vue-là, je me suis dit que le combat serait limité techniquement, mais qu'il peut-être sortir un truc dans le divertissement intéressant. Et de ce point de vue-là, moi, je trouvais que ça a été assez comblé. EC3, je suis pas fan de lui au niveau du ring. C'est vrai qu'au micro, il est de plus en plus bon, mais dans le ring, c'est vrai que ça reste à un niveau assez moyen. Mais là, ils ont réussi à sortir quelque chose, une histoire assez divertissante pour ma part. Moi, j'ai finalement assez apprécié ce combat. Je veux pas dire que j'ai adoré, quoi, mais j'ai apprécié parce que j'avais des attentes limitées dans cette partie du Oui, show. voilà. C'est la particularité, c'est que bon, au moins, t'es pas déçu quand, voilà, tu t'attends à pas grand-chose, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'essentiel du show, c'est ça le problème. Donc, à partir de là, c'est vrai que, bon. C'est lui qui d'ailleurs a un nouveau garde du corps. Hein. C'est tout récent depuis Impact de mercredi. C'est Brodus Clay qui a fait ses débuts à la TNA. Il s'appelle Tyrus. Sous le nom de Tyrus, voilà. Il aime bien les bigs. Sur ce, c'est assez big aussi. Je déconne, mais bon. Le match qui suit, c'est mine de rien entre anciens de la WWE. C'est MVP, donc, qui affrontait un certain Kazuma Sakamoto, que vous aviez sûrement vu en souffre-douleur de Tensai, le pauvre type là qui l'accompagnait et qui se prenait toujours des baffes. D'ailleurs, Mike Tenay qui a annoncé pendant le match que c'était justement l'ancien manager de Tensai à la WWE, il a carrément mentionné le nom de la fédération. Ah ça oui, m'a un peu étonné. D'ailleurs, c'est vrai que dans les commentaires, là, c'est tout le long, c'est très décomplexé. Il y avait une réelle liberté de parole de Mike Tenay, j'ai trouvé. Parce que d'ailleurs, il s'est beaucoup attaché à faire l'historique du catch japonais, c'était très intéressant, je trouve. Ouf, non, ça m'a saoulé, franchement. Sachant qu'il avait aucune story dont il pouvait parler. Ah, non, mais c'est pour ça, tu sens bien qu'il doit, le mec doit combler, mais je trouvais que c'était comme à chaque fois, en fait. Enfin, à chaque fois que je regarde la TNA, j'ai l'impression que les commentateurs parlent plus de autre chose que le match. Et c'est dans plein de matchs, dans Bound for Glory, c'est le cas. Il y a plein de matchs où c'est intéressant dans le ring, par exemple le match dans lequel on va parler tout à l'heure avec les quatre catcheurs japonais, où Mike Tenay a fait des efforts pour parler de l'histoire du père d'Attack Catcher, du parcours de son adversaire, alors que c'est intéressant dans le ring et ils s'en foutent complètement, quoi. C'est un peu trop, je sais pas si c'est trop scolaire ou je sais pas. Le surnom de Mike Tenay quand il était commentateur à la WWE, si je me trompe pas, c'était le professeur. Et là, ça fait un peu trop professeur. Pour moi, qui se sont retenus comparé au One Night Only habituellement, hein, parce qu'habituellement c'est catastrophique aux commentaires. Là, ça a réussi oui. à se raccrocher un minimum à ce qui se passait sur le ring, mais dans les Ono, habituellement, c'est boah, là, c'est terrible, quoi. Oui, dans le One Night Only, tu te demandes même si les commentateurs français sont pas meilleurs que les Américains. Bon, après, tu doutes quand même, mais. Vivement l'arrivée de Josh Matthews, quoi. J'espère à la place de Mike Tenay. Le Taz, je pense que s'il a un commentateur qui tient la route à côté, ça peut être correct. On verra, effectivement. Qu'avez-vous pensé de cette victoire de MVP sur Sakamoto après 8 minutes 07? J'ai pensé que c'était tout simplement le meilleur match de MVP depuis qu'il est à la TNA. Il n'y a pas photo ses performances aux États-Unis avec celles au Japon. Là, au Japon, on voyait que le gars était vraiment motivé à combattre. Il l'a dit dans un speech en backstage avant le combat, pourquoi il a choisi de quitter la WWE pour aller au Japon. Oui, oui, si on peut dire ça, parce qu'on peut dire qu'en même temps, la WWE l'a licencié, donc on peut pas dire qu'il est parti lui-même, je crois. Bon, disons qu'il a fait le choix d'aller au Japon, hein, en tout cas, alors. Hein. Il était invité, quoi. Voilà. Mais en tout cas, oui, il a démontré qu'il était assez motivé et ce soir-là, ça s'est prouvé. Il a fait un match de très bonne facture à mon goût. D'ailleurs, à ce sujet-là, à l'époque, il était parti à NJPW, j'avais suivi, il avait même décroché le tout premier titre champion intercontinental, il n'avait pas été bon du tout, le public n'avait pas du tout accroché, il était assez ennuyeux, il était un petit peu sur la suite de sa fin à la WWE, où il était très pâteau, très lourd dans le ring, donc il m'a beaucoup étonné forcément sur ce match. J'ai retrouvé un MVP qu'on a vu à ses belles heures de la WWE, avec le Bolin, des prises qu'il faisait à la WWE qu'on l'a jamais vu faire à la TNA, ça c'est sûr. Finir avec prise le coup de pied dans la gueule, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Renaud, merci pour le détail. Un auditeur libre, ouais, depuis 2007, à peu près ce niveau. Favori de la foule, qui agit vraiment en face pur et dur, qui est très très propre, qui est très loin, mais c'est carrément pas le même qu'on voit à la TNA d'habitude, qui est très calculateur, qui évite l'affrontement, qui est toujours vicieux. Cette fois-ci, celui qui cherchait à être vicieux, c'était Sakamoto, qu'on voit tout de suite très limité dans le ring. C'était vraiment un match à la main de MVP. Donc, pour lui, c'est très convaincant. Par contre, Sakamoto, bon, on va pas le regretter, ça c'est sûr. Hein. Bah, MVP, quand il veut, il peut sortir de bons matchs. Ce match m'a rappelé, même s'il n'y a aucun rapport, un match de MVP qui avait disputé contre Sami Callihan, je crois que c'est il y a un ou deux ans, à la House of Hardcore, la fédération de Tommy Dreamer, où c'était un match très stiff, qui était très bon, et ça m'avait étonné à l'époque parce que MVP j'ai plutôt l'habitude de voir des matchs assez lents ou assez tournés sur le côté divertissement du catch, pas le côté sport, et c'est vrai que c'est plutôt bon pour MVP. Après, peut-être qu'on aurait pu avoir un match de cette qualité s'il avait été dans le main event Slammiversary, c'était pas blessé au ménisque. Et j'ai été étonné quand même par Sakamoto qui a montré un peu de caractère, de personnalité. Quand on le voyait à la 2-2, c'était soit en souffre-douleur de Tensai, soit en jobber, le jobber japonais de NXT. Donc forcément, le voir un petit peu jouer avec le public, c'est intéressant. Ces cris m'ont fait assez rire parce que ça m'a fait. Enfin, la référence était n'a aucun rapport avec le catch et toute pourrie, mais ça m'a fait penser à Rafiki dans le Royaume. Donc ces cris très très aigus là, ça m'a fait assez rire. On passe, je pense, au match limite le plus attendu du show, qui était un three-way pour le titre X-Division. J'aime bien le dire que Samoa Joe ne pouvait pas le perdre. Je veux pas spoiler, mais bon. Il affrontait donc Loki et Kaz Hayashi, et il a gagné donc à l'arrivée par soumission, arrêt de l'arbitre même sur Loki. Après 10 minutes 32, Kazayashi, bon, ben c'est le japonais donc de la Wrestle One, qui est d'habitude en équipe d'ailleurs avec Shuji Kondo. Voilà pour la petite histoire. Quel feeling t'as eu alors, Vincent, face à ce match? Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée de très loin. Ah oui, carrément. Ah oui, très très loin. Le premier match est sympathique, enfin il est bon, mais après je sens que Samoa Joe et Loki ont l'habitude de s'affronter. Après, ça fait aussi de nombreuses années qu'ils Eh oui, et en combattent. plus, ça m'y fait penser, mais ils ont déjà lutté dans cette salle. À l'époque, ils ont fait une grosse tournée japonaise, ils étaient à la Zero One notamment, il y avait aussi AJ Styles, et ils se sont beaucoup affrontés déjà à l'époque. On le voit d'ailleurs qu'ils sont très connus du public japonais. Ouais. Après, Loki a combattu pour New Japan Pro Wrestling, il était Oui, champion junior récemment, solo. oui. Samoa Joe des champions par équipe à la Noah, donc forcément, Ah c'est oui. trois, quatre chocs qui sont connus du public japonais. Et après, mais Limite c'est, le moins connu, c'était le japonais. limite, ouais. Et Mike Tinay qui a dit, lors de l'entrée du catcheur japonais que, apparemment, il avait combattu la WCW. C'est pas un nom qui me dit quelque chose. Renaud nous dira s'il a fait une grosse carrière là-bas, je pense pas. Ben, c'est un ancien, hein, ça c'est sûr, hein, il a quand même atteint les 40 ans, donc il s'est fait une petite carrière sympa à la JPW tout de même, donc Il y a Renaud qui nous dit qu'il était dans le clan des Young Dragons en 2000. Je crois que c'est le clan de Jimmy Wang Yang et tout ça. oui, c'est ça, oui. Mais oui, Donc ce match très très bon, très stiff. J'ai bien aimé les lariats, tous les gifles entre Loki et Samoa Joe, qui m'ont rappelé le match Bryan Danielson contre Kenta à la Ring of Honor. je pense que c'est le meilleur match de la soirée, moi aussi. Il n'y a pas de doute pour moi non plus. Je crois que toi, Bruce Tite a préféré l'opener, mais moi je De suis peu, d'accord ouais. avec ce choix de match à 3 qui est à la fois technique, agressif quand il le faut, high fly. Donc ouais, il y a tout qui est réuni dans ce match qui dure un peu une dizaine de minutes, il me semble, pas beaucoup Ah oui, plus des en tout grosses cas. minutes, si, oui. C'est dommage, j'aurais aimé quelques minutes supplémentaires pour vraiment faire sortir ce match encore plus du lot, mais bon, ça prouve que la carte, finalement, il n'y a pas eu des matchs assez extraordinaires pour un Bound for Glory. C'est le meilleur match de la soirée, mais c'est pas non plus un match de dingue, quoi. Hein. Mais bon, ça comble mes attentes, on va dire, et oui, la défense de titre n'avait aucun doute, hein, c'était sûr que Joe allait conserver, mais bon, hein, moi j'ai apprécié le spectacle. Ben, moi, je dirais que de toute façon, pour chaque match, et à mon avis, ça sera pareil pour vous, il faut malheureusement oublier le fait que ça a dénomination Bound for Glory, sinon aucun match n'atteignement sa place, de par l'enjeu qui est tout à fait inexistant, de par les stories qui sont tout à fait inexistantes, et de par ben, le temps qui est accordé à chaque fois, parce que le plus long match, il atteindra un tout petit peu moins de 13 minutes, ce qui est quand même pas énorme, hein, Ouais, surtout mais quand ce match-là, le Magic Vision, il dure une dizaine de minutes, c'est pas non plus, enfin, on aurait pu très bien voir ça dans la Bound for Glory si c'était à San Diego ou à Dallas, hein. c'est Hormis vrai. le fait qu'il y ait un japonais, si tu remplaces Hayashi par Sanada, t'aurais pu très bien voir ça dans un show aux États-Unis, hein. Et puis le match est très bon, hein. Ouais, non, mais c'est sûr, mais bon, après, il faut vraiment le prendre dans un cadre, je dirais, de weekly de luxe, entre guillemets, ce show. Du coup, Ouais, t'exagères un peu quand même. Je suis d'accord avec toi que ça vaut pas un. Enfin, bon, ça a pas le standard de la Bound for Glory, mais si tu remplaces ça par un pay-per-view entre guillemets normal, bon, on peut très non, bien je voir dis ça, ça hein. parce que la dernière fois, il y avait de bonnes choses justement qui étaient faites dans leur dernière chose spéciale qui était No Surrender, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est assez Oui, curieux. mais dans les choses spéciales, il y a 1h30 et t'as pas beaucoup de catch là, il y a quand même Une dizaine de matchs, je crois qu'il y en a 8, donc. Oui, 8, mais bon, des fois, j'aurais voulu un peu mieux, surtout que on n'a pas atteint les 3 heures à l'arrivée, donc on était loin des 3 heures. Ouais, mais t'es perfectionniste. C'est ça, ouais, voilà. Mais moi aussi, Il c'est... n'y avait pas assez d'argent pour faire 3 heures de show. Moi aussi, ouais, j'aurais aimé. Mais j'aurais aimé, de toute façon, ouais, aussi que ça dure plus. C'est pour ça que je dévalue un peu ce match. Parce qu'à 3, qui dure à peine plus, 30 secondes de plus que le Tanaka Manic, je suis assez déçu. Parce qu'il aurait pu gratter 13-15 minutes, quoi. Ça... Mine de rien, en 3-4 minutes, on en fait de l'action. Ouais, donc, surtout là, avec la rapidité qu'il y a eu, rien qu'au début du match, la séquence a eu Loki. Kazayashi qui sortent Samoa Joe et qui ensuite se font un petit échange, là c'est très rapide et puis c'est bien huilé et puis ensuite la deuxième partie du match il y a Kazayashi qui est sorti de manière très musclée du ring et puis donc ça finit par l'échange bon qu'on attendait évidemment entre Samoa Joe et Loki. Donc voilà, c'était bien huilé mais entre guillemets trop rapide à mon goût pour que je sois aussi enthousiasmé que vous. Même si j'ai vu beaucoup de qualité, mais encore la durée, j'aurais voulu légèrement plus quand même. C'est un peu dommage. Disons que pour sublimer le match, il faudrait 5 minutes de plus, ouais, mais 10 minutes, ça suffit pour faire un bon match, pas un très bon match. Ben voilà. Mais bon, quand on voit le cadre, on se dit, allez, lâchez-vous un peu. Mais c'est ça qui est dommage. Enfin, sur ce, mais bon, ce qui reste pas mal du tout. Ouais, je dis ça après, attention, il n'y a pas de bashing là-dessus. Passer à la suite. Oui, La partie spéciale, Wrestle One, c'est-à-dire que là, bon, ben là, on voit la contrepartie énorme de la TNA, qui, avec son roster très réduit, mine de rien, privé donc de toutes ses têtes d'affiche, a donc laissé la place, donc, un match tout à fait de l'autre promotion, quoi. Et puis, donc, du coup, ben, après, on voit des talents, il n'y a rien à dire. Et, une bon, équipe. c'est des jeunes catcheurs, ça ne dérange pas. Oui, voilà, Ça, en donc. plus, ça fait la transition entre deux gros matchs. Et ouais, non, mais en plus, ça fait des styles bien variés, parce qu'il y a une équipe, Andy Woo et El Hijo del Pantera, c'est du style luchador, parce que bon, sachant que El Hijo del Pantera, comme si vous maîtrisez l'espagnol, c'est le fils de El Pantera, voilà, et Andy Woo est un élève d'El Pantera, donc autant dire que là, on a vraiment un style lucha libre qui est imprimé par les deux et qui donne du sale au match, et en face, il y a Jiro Kuroshio, qui lui a une gimmick... très identifié, de très précieux, toujours à se toucher les cheveux, recoiffer, tout ça. Un Et tailleur à brise, quoi, en gros. ah ouais, exact, c'est Et il vrai. Ouais. catch avec la veste, hein, tout au long du combat. Ah, c'est Comme assez bizarre, Brian lui, Kendrick. Brian Kendrick, C'est ça, oui, à en l'époque. 2008-2009. Et il était associé à Yusuke Kodama, que dans d'ailleurs, lors de son interview avec nous, je me rappelle, Rosto avait lutté contre lui, il nous avait parlé de lui, donc. Donc voilà, c'est pour le petit salut aussi. Ces derniers se sont imposés. Donc victoire des heels, parce que là, vraiment, on avait un affrontement. Heel contre face, ça s'est identifié. Le comportement n'était pas tout à fait, mais bon, vous voyez qu'il y avait vraiment une volonté, entre guillemets, d'être un peu vicieux, d'imprimer son rythme, et les autres un peu plus accélérateurs. Ça s'est fait en 9 minutes 15. Voilà. J'ai fini mon analyse, et donc je vous laisse y aller. Sébastien. Ah, tu me refiles la patate chaude là parce que je sais pas trop quoi dire. Hein. Forcément, je connais aucune des personnes qui étaient présentes sur ce ring là. Qu'est-ce que dire à part que c'est un match qui est finalement assez bon avec quatre catcheurs qui ont eu l'occasion de briller chacun à leur tour. Voilà, je peux pas dire grand-chose de plus. Hein. Moi, j'ai été assez divers par ce match là, même si je connaissais pas les gars. Donc ils ont bien réussi leur coup. Vincent, est-ce que tu as eu la même impression que moi, qui forcément, face au style de ces catcheurs là, comme j'ai parlé, c'était pas vraiment du pureau. Le Puro, quand tu regardes la New Japan, les matchs avec les juniors poids lourds, c'est pas non plus Oui, bon, là en... d'accord. Non, mais là tu m'as pris d'entrée la catégorie flyer, mais sinon. Oui, forcément. Mais non, mais le Puro, faut pas non plus catégoriser ça avec que les Stan Hansen, Ah non, attention. les gros poids lourds Le qui font que pyro, des lariats, que c'est tout. un truc de bourrin, hein, disons tout net, c'est pas ça le pyro. Non. C'est un style ultra technique et très très varié. Là, je dirais que c'était vraiment sur un mode high flying, ce qui est pas si mal. C'était pas la faute du match, hein. C'était ma faute qui était pas, j'étais peut-être pas assez concentré sur le match ou trop fatigué quand j'ai regardé le match, mais j'ai trouvé ce match long, beaucoup trop long pour ce que c'était. Parce que Ça, par contre. le match a duré 1 minute de moins que celui juste avant quoi. Ça pour la durée, je suis d'accord. Hein. Pour un match d'exhibition, j'ai trouvé ça très très long. Ça aurait pu durer 6 minutes, ça aurait été impeccable quoi. Là, j'ai trouvé ça un peu long. Ouais, non, c'est sûr. La durée là-dessus, c'est vrai que on se dit que s'il y a des minutes à piocher par rapport à tel ou tel match, le match précédent aurait pu piocher 2-3 minutes sur ce match, c'est vrai. C'est sûr. Utiliser 2-3 longueurs, même si c'était pas si mal que ça le contenu. Ouais. Et ce match est aussi l'exemple des commentateurs américains qui étaient complètement énervants pour moi. Avec Andy Wu, ils ont insisté lourdement sur Andy Wu, en faisant des vannes sur Ric Flair, en faisant Oui, au début. bah voilà le Wu de Ric Flair. Et quand parce que pour ce match, c'était pas Jérémy Borash qui a fait la présentation, c'est l'annonceur japonais. Enfin, je ne sais plus comment il l'a dit. Mais en gros, Andy Wu, en japonais, ça se dit pas Wu, ça se dit autrement. Et ils ont insisté en disant, ben, sacré WU, mais nous on pensait, enfin, on le disait WOOO. Ils ont insisté pendant quasiment tout le match sur ça, alors qu'on s'en fout, quoi. C'est un peu comme Boussy quand Boussy fait une vanne, tu vois. Il l'a fait une fois, même si elle marche pas, il l'a fait encore deux, trois fois et ça marche toujours pas. Là, c'est Ah, pareil. ça peut toujours passer, donc voilà, c'est pour Oui, ça. mais non, là, ça passe pas. Je suis un taz et c'est pour ça. T'es un genre cool du surtout. Ouais. Bah sur ce, on va passer à la partie beaucoup plus connue du coup, qui suivait un clip vidéo revenant sur la cérémonie du Hall of Fame. On était habitué à voir sur les premières intronisations un segment sur le ring, sauf que là, cette fois-ci, ils ont bien organisé ça. Façon, je dirais entre guillemets, WWE par une cérémonie la veille, chargée d'émotions, avec Tommy Dreamer très très ému, donc je trouvais ça plutôt bon, bien sûr, c'était mieux que sur le ring, là, pour le coup. C'était l'improvisation, bien sûr, de Bully Ray et d'Yvonne. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait une partie qui se fasse sur le ring, peut-être la remise justement des montres qui symbolisent l'entrée dans le Hall of Fame. Parce que là, je trouvais que ça faisait un petit peu trop confidentiel, puisque finalement, on n'a pas beaucoup d'images de cette cérémonie. On a juste le petit clip de 2 minutes 30 qui a été proposé, on n'a rien d'autre. Donc j'aurais aimé peut-être une plus grande ouverture vers ça, avec peut-être une partie dans le ring. Donc un petit peu déçu de ce côté-là. Je suis d'accord avec toi, Sébastien. En plus, j'ai trouvé ça toujours très ridicule, le fait de la TNA. Déjà parce que la TNA n'existe que depuis 2002, donc forcément, enfin, le fame quand t'as 12 ans d'existence, pour les premiers Hall of Famers, ça va, mais après, t'es forcément obligé de piocher Et en plus, dans des catcheurs qui méritent moins. Et puis, j'ai trouvé ça toujours débile de faire un Hall of Fame qui n'est pas télévisé. Parce que quand les catcheurs sont intronisés, ils remercient les gens qui ont ah oui, pavé la route. ah oui, ça c'est Et sûr. forcément, remercier des gens qui ne sont pas forcément dans la salle, ou même remercier les fans, parce que généralement les catcheurs qui sont intronisés remercient les fans pour les avoir soutenus pendant les années de leur carrière. Ils ont Mais remercié plusieurs fois les fans, mais ils non, mais n'étaient pas présents, effectivement. c'est sur un petit clip. Moi j'aimerais que la cérémonie soit filmée et que pas forcément que ce soit diffusé sur TAC-TV, mais au moins que ce soit disponible sur la chaîne YouTube de la TNA ou sur leur site, et que ça puisse être vu par un plus grand nombre. Là c'est confidentiel quoi, donc finalement c'est plus un Hall of Fame politique qu'un Hall of Fame Ouais, mais savoir si en fait où on rend hommage quoi. ce sera pas en bonus DVD, vu la durée du show qui est de 2h40 peut-être, qui réserve ça au bonus DVD. Et puis pour finir là pour la séquence Hall of Fame, il y a aussi le détail, il y a eu Sting qui était encore en action, Kurt Angle encore en action, et là les deux sont encore en action. Donc forcément ça fait toujours bizarre un Hall of Fame, parce que Hall of Fame ça. Comme ça, parce que le fame, on le sait, ça consacre quand même très majoritairement, essentiellement et quasi exclusivement, des catcheurs qui ont arrêté leur carrière, au moins dans la fédération où ils sont le fame, sauf que là, pas du tout. Même Divonne a repris pour être intronisé, c'est ça qui est très fort. Mais ce qui est encore plus drôle, alors je sais pas s'ils font ça pour garder les catcheurs, mais c'est que les catcheurs qui sont en Hall of Fame à la TNA, après ils s'en vont. Sting est parti à 2-2, Kurt Angle va C'est ça, à moins que sûrement, ça chauffe. à moins qu'il arrive pas à signer à 2-2 et qu'il revienne à la TNA, bah il va plus être à la TNA. Et là, Devon et Bully Ray seront plus là à la fin de l'année. Ils se disent vite, faut qu'on mette tel gars dans le Hall of Fame avant qu'il parte justement à la WWE. Et à ce moment-là, ils savent Et qu'ils ne pourront plus qu'on puisse l'introduire, le faire, parce ouais. que la WWE va tout bloquer forcément. Donc ils se disent vite, faut qu'on le fasse avant qu'on ne puisse plus le faire. Et c'est le cas pour Sting, Angle et maintenant la Team 3D. Qui est encore plus ridicule pour les sur la fame le tiennent. Alors qu'ils auraient pu mettre des gars comme Booker T ou Christian, qui était apparu qui avant se rappelle, Anniversary, hein, l'année dernière. Oui. Celui qui a intronisé Tommy Dreamer, bon, ben, le lendemain, c'était quand même l'adversaire de la Team 3D. Il était associé à Abyss, parce que dès qu'il y a un match hardcore, autant mettre Abyss, c'est un petit peu le maître de la TNA dans le genre, donc, C'est tellement ça. du coup, ça nous faisait de la Team 3D qui gagnait tout de même, évidemment, après 12 minutes 53, je dirais tout à fait normalement, parce qu'une défaite, ça aurait été très mal vue, parce que tout de même, voilà, surtout que c'était très apprécié, c'est un match dans lequel le public est assez bien entré, même si j'ai toujours des limites sur le rythme un petit peu, je dirais qu'on l'a vu très vite, heureusement qu'il y avait des objets, parce qu'au début, c'était assez lent quand ils mettaient pas d'objets. Et le problème, c'est qu'on a vu tellement, là, c'est Monsieur Exigeant qui parle, c'est qu'on a vu tellement de matchs avec eux, on sait toujours un petit peu ce qui arrive par avance. Et là, du coup, il n'y a rien d'imprévisible. C'est ça qui est dommage. C'est bien fait et tout, mais il n'y a rien d'imprévisible. À part que les tables japonaises, elles sont vraiment assez réduites en largeur, quoi. Sébastien. Je trouve que c'est assez débile de faire un match hardcore avec des gars qui sont potes finalement, puisqu'on a vu, on va revenir sur le petit clip de Hall of Fame, on a vu Tommy Dreamer qui a fait un discours pour l'intronisation de la Team 3D, il était presque en pleurs. Et là, le lendemain, tout d'un coup, il va faire un match hardcore avec des objets pour défoncer ses potes, quoi. Donc, Ça montre l'absence de sens dans ce show. Il n'y a pas de sens voilà, oui. de l'histoire. Au moins ils ont eu l'audace, on va dire, de créer des petites tensions d'avant-match avec Abyss, puisque Abyss n'a pas voulu serrer la main de la Team 3D, donc c'est la seule mini-histoire qu'on a pour justifier la stipulation, ce qui ne suffit largement pas, ça c'est sûr. Après, ouais, le match en soi, moi j'ai pas trouvé ça bon, j'ai trouvé que c'était assez lent, un manque de rythme assez important. Je trouve que c'était presque comme un main event d'une mauvaise fédération indie avec des gars en fin de carrière, donc moi Ah j'ai pas ouais, trouvé non, ça c'est moi qui bon, voulais moi j'ai pas tenir aimé. mon propos parce que j'ai pas été très séduit, bon. Mais je suis finalement ton idée parce que j'ai nuancé mon propos là. Quand je t'entends, ouais, je me rends compte que j'ai nuancé parce que moi aussi, j'ai pas beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça. Est-ce que Vincent a aimé au moins? Ah, moi j'entendais rien de ce match, donc à la limite je m'en fous quoi. Mais ah, c'est vrai que le public était assez chaud, mais après pour compléter le propos de Sébastien. À One Night Stand 2005, le main event, c'était les 2-2 contre The Sandman et Tommy Dreamer. Et ils se sont serrés à la main juste avant le match. Il n'y avait pas de rivalité entre les deux équipes. Ils voulaient juste se foutre sur la gueule. Mais c'est vrai que là, pour Bound for Glory, ça fait un peu limite. Surtout qu'on aurait pu mettre, je sais pas, Magnus et Bram en face, ou serait revenu au même, quoi. Mais oui, non, c'est un match pour la forme, quoi. Un gros respect pour Tommy Dreamer qui, expliqué sur son futur, sa page Facebook, je ne sais plus, qu'il a de gros problèmes de dos en ce moment. Et en gros, à chaque fois qu'il prend l'avion, il a très très mal au dos, presque insupportable. Et là, forcément, pour aller au Japon, il fallait faire 14 heures d'avion. Donc faire 14 heures d'avion, souffrir du dos comme pas possible, et se prendre tous les coups que c'est pris, comme la power bomb à travers la table, moi je dis respect. Tommy Dreamer avait dit par rapport à son mal de dos qu'en gros c'était pas très grave qu'il pouvait faire ce match, parce que à 50 ans, téléphone que faisait encore des moonsaults, alors lui à 40 des poussières, il peut bien Ah faire oui. un match au Japon. Ah ouais. Ah, c'est un dur au mal, ça, y a pas photo. De toute façon, c'est son style, on le sait bien. Donc, moi, je l'avais vu dernièrement dans un match tout autre genre. C'était l'FWE contre Joey Ryan. On veut pas savoir vous aussi. Soirée. Garde ta sucette pour toi. Il y avait des trucs assez spéciaux, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce match? Je ne crois pas. Longtemps, il était annoncé qu'il n'y aurait pas de match féminin. Finalement, si, le titre Knockout était en jeu entre la nouvelle championne Havok, qui était devenue championne au niveau de la retransmission télévisée, en tout cas, pas forcément en temps réel, depuis une semaine, un peu plus, même 10 jours, qui a affronté Vevet Sky, qui l'a battue, je dirais, très facilement, au tout premier move, simple prise de l'ours, quoi. Barre soumission après 6 minutes, t'as pensé quoi, Seb? Alors déjà, je vais vous donner ma théorie pour expliquer pourquoi Velvet Sky a pris part à ce match-là. Là, j'aimerais voir, ouais. Et la raison est très simple à mon sens, Pour c'est tout exciter les simplement, fans. non seulement pour Ah ça, bon. mais également Couverture de parce que, calendrier. non seulement également pour ça, mais je vais vous le dire, mesdames et messieurs, je vais vous le dire, la raison est que c'est la compagne de Bully Ray, tout simplement, et que Bully Ray, à mon avis, a demandé à ce que Velvet Sky fasse partie de la tournée au Japon pour l'accompagner pour l'entronisation Hall of Fame. Et donc, les officiels se sont dit, ah ben tiens, d'accord, donc on va la mettre dans un match, ça nous évitera de prendre une autre lutteuse, on va mettre Velvet Sky dans le match pour le titre, et voilà, elle s'est retrouvée avec un match de championnat. C'est ma théorie, c'est peut-être pas vrai, mais c'est ce que je pense. Vous de juger si elle est bonne ou pas. Je suis, parce que bon, on peut pas dire qu'elle a excité le public japonais. Pour que le match dure entre guillemets aussi longtemps, 6 minutes, on va dire que dans les standards féminins, c'est assez long, surtout avec la grosse différence de standing et surtout de caractéristiques, parce que avoue que c'est la puissance brute qui détruit tout sur son passage. Sky, c'est tout l'inverse. C'est belle, donc du coup, d'ailleurs, c'était un peu ça, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, parce que Velvet Sky est arrivé par sa vivacité, a échappé, on va dire, au grip de Havok, et puis dès qu'Havok l'a prise, c'était fini, quoi. Très très simplement, même pas eu besoin de mettre un choc slam ou autre chose. Elle a même pas utilisé son finish habituel qui est le choc slam, elle a utilisé la prise de l'ours, le bear hug, pour finir le match, et donc ouais, donc ça prouve qu'elle a pas eu besoin de beaucoup se démener pour remporter le match. Ouais, juste une accolade, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas grand chose à retenir là-dessus, sinon que j'adore Havok. Donc, ben, on va passer au main event. Avec, je dirais, la seule story illustrée. C'est donc cette rivalité avec James Storm qui a pris sous son aile l'ancien élève de Yuka Muta, c'est-à-dire Sanada, qui en a fait le Great Sanada. Et donc, du coup, ça fait un match par équipe. James Storm et le Great Sanada contre Great Muta et Tajiri, bien sûr. Donc, c'était la fête du Myst. Que James Storm, qui n'avait pas de Myst, a craché, donc à l'arrivée, victoire de Great Muta et Tajiri en hein, 10 minutes 56, et tout le monde est content, sauf que après, il y a un après-match où James Storm il met quand même son last call super kick sur Muta et Tajiri, il y a Manny qui arrive aussi pour l'attaque, et puis là, donc à faire allonger dans le show libre, je dirais, Bully Ray et Divonne, les stars du show, qui arrivent au secours de Muta et Tajiri. Et du coup, c'est la happy end et une coupure brutale d'ailleurs de la transmission parce que ils ont encore fait un autre speech après en disant qu'ils allaient jeter les titres détenus par Bullet Club, sachant que ce sont les titres par équipe de la NJPW. Tant dire, ça leur est mal fait, je dirais qu'en conclusion de son plus grand show de la TNA, ben carrément direct l'annonce du départ de Catcher. Mais oui, voilà. Il a fait la promotion donc de toute façon. Concurrente à la WrestleMania aussi. C'est vrai aussi, oui. Mais donc, bon, maintenant que j'ai raconté tout le contexte, et puis que j'ai pas forcément grand chose à dire ce match, parce que bon, un peu moins de 10 minutes pour un main event de Bound for Glory, c'est bof bof. En même temps, je dirais que forcément, c'était pas non plus de l'hyperaction, c'était quand même assez lent parfois. Il y avait de bonnes choses, mais bon, moi j'ai pas été vraiment séduit. Même le public, c'était le match limite où il était le moins dedans, j'exagère peut-être légèrement, mais pas beaucoup je dirais. Tout de même, je ne les ai pas sentis beaucoup dans le match, à part qu'il y avait le Green Mist ou le Blue Mist ou le, je sais pas, non pas Blue Mini, le Blue Mist, qui était craché, sinon pas entendu beaucoup de réactions, et je suis, en même temps je suis assez d'accord, parce que c'est quand même assez décevant pour ma part ce main event. T'as pensé quoi Seb? Toi, j'ai pas aimé le match. Il n'y a pas de manœuvre impressionnante pour un main event. Il n'y a pas le, je sais pas, il y a pas le hit factor. Même si je parle pas de Bobby Roode là, mais il y a pas le hit factor. Ça aurait été bien qu'il soit quand on sait qu'il y a pas Bobby Roode. Ouais. Sinaris, Jeff Hardy, Eric Young et Bobby Lashley et les Wolves. Voilà. Enfin bref. Et pas les champions par équipe, les champions pour lourd. Juste ça quoi. D'ailleurs, c'est la mode en ce moment de ne pas faire apparaître les champions du monde poids lourd dans toutes les fédérations. Ouais. Bon, ça c'est une autre histoire, comme on dit. Comme je disais, je n'ai pas spécialement apprécié, d'autant plus que le livre des règles du catch a été jeté par la fenêtre à plusieurs reprises, puisque je me rappelle que Sanada a frappé son adversaire avec un espèce de bâtonnet sous les yeux de l'arbitre. Ensuite, t'as aussi le Great Muta qui avait attaqué à l'extérieur James Storm, je crois, avec une chaise. Ouais, mais là, je dirais, t'es plus dans les règles, entre guillemets, japonaises, parce que dans les matchs japonais, la disqualification est assez rare, et il y a quand même pas mal de choses qui sont permises. Pas tout, nécessairement, mais je vois souvent des matchs dans les fédérations japonaises où il y a des trucs, des fois, qui sont un peu plus limites, moins traditionnels, et c'est permis. Je crois que c'était un peu arbitré dans ce sens, plus à la manière japonaise. Ah bah pourtant c'était un arbitre américain, c'est ça qui est paradoxal. Stifler. Je sais, ouais, le fameux Stifler, oui. Le fameux. Que dire de plus? Victoire surprenante. Personnellement, je pensais que c'était le moment de Sanada pour briller, peut-être. Comme je sais qu'ils ont de gros espoirs sur ce catcheur-là, je pense que s'il gagne ce soir contre le Great Muta, ça peut lui faire énormément de bien dans sa carrière. Donc, c'est une occasion manquée sur ce coup-là. Là, la victoire du Great Muta, ça va rien lui changer quoi dans sa carrière. Elle est derrière lui, donc il aurait pu mettre over. Un futur catcher, donc je trouvais que c'était assez dommage. Ouais, non, c'est sûr, mais bon, en même temps, je vais te dire, le Great Muta, à chaque fois qu'il affronte comme ça quelqu'un qui est son élève ou qui est dans un choc vraiment du maître et de l'élève, il gagne systématiquement. Bon, le problème, c'est que Dommage. la dernière référence que j'ai, c'est à Naito, Vincent dira, bof. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un peu ça, et puis sachant qu'en plus, le 15 novembre, il me semble, il va fêter ses 30 ans de carrière dans le main event pour le titre de la Wrestle One. Dans un show, il y a aussi Matt Hardy qui sera dans un freeway contre Tajiri et Sanada, justement. Et puis, il y aura aussi un certain Alberto Del Rio El Patron qui affrontera Funaki, d'ailleurs, qui aurait pu être vu dans ce show. Comme quoi, la Wrestle One a pas nécessairement mis ses meilleurs sur le papier. Parce qu'il n'y avait pas déjà son champion, qui est Masayuki Kono, pas Shoji Kondo aussi, qui est un catcheur très intéressant. Là-dessus, j'aurais bien échangé Sakamoto ou ouais d'autres par là avec d'autres, voilà. Bref, donc c'est bizarre. Funaki, ça... le traducteur de Kenta. Non, Masakatsu Funaki, pardon, pas Shoji. Il faut préciser quand même. Autant ouais. Pour moi, c'est vrai, ouais. Masakatsu. Qui est à peu près le même match que Sho Funaki au passage. Mais ça s'arrête là, la comparaison. Mais donc, voilà, c'est pour ça. Le paradoxe de ce show, c'est que on voit des catcheurs intéressants de très bon niveau, quelques têtes d'affiche, mais pas nécessairement les têtes d'affiche actuelles des deux fédérations. C'est très curieux. Mais bon, voilà, on finit donc sur une note assez fade, je dirais. Mais je pense qu'on va passer aux notes. Avec la note de Sébastien. Ma note. Alors, déjà, est-ce que je vais parler du fait, enfin, on l'a déjà assez évoqué. Bah, c'est pas le véritable Bound for Glory, hein. Pour moi, ça c'est plutôt un one night only. Ah oui. Tout ça, on en a largement discuté, ouais. Donc je vais pas refaire cette histoire-là. Donc je vais essayer de me concentrer sur ce qui a été proposé. Déjà, la première surprise, c'est déjà que le ring à quatre côtés a été utilisé, et non pas le ring à six côtés. Ça, j'avais un petit doute là-dessus et finalement, ça a été la première option qui a été choisie. Finalement, c'était bien un ring japonais au cœur de la TNA, donc. C'est ça. Avec le logo WrestleOne en plein milieu du ring, donc tout le monde était content. Les deux fédérations étaient représentées. J'ai bien aimé finalement l'action in-ring sur les cinq premiers matchs. Après les trois derniers, ça m'a pas vraiment plu. Le hit factor n'est pas sur le show. J'ai déjà fait la blague avant, mais je la refais, je la retente. Que ne pas voir les deux Bobby, quand même, ça, en sachant que c'est quand même les deux hyper over de la TNA actuellement. Donc, Ouais, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais je. Ouais, et je vais mettre Robbie un. Robbie surtout. Merde. Robbie d'ailleurs, qui sera aussi du show du 15 novembre de la Wrestle One avec ses potes Jesse et DJZ dans un match 3. C'est vrai. Contre 3. Ce show vend du rêve. Moi, je vais aller au Japon. Donc, ceci pour en arriver suspense. À ma note qui va être de 4. Tout ça pour ça. Donc, voilà. D'accord. Donc, Vincent, ta note tout de même. Elle va être très différente de Sébastien. Je vais mettre un 6 parce que. Pas mal. Parce que c'est le pay-per-view de la TNA que j'ai le plus apprécié depuis un long moment. Tellement longtemps que je pourrais pas dire depuis quand. Parce que depuis oui, si on. La Slam Versus, j'ai moins apprécié. Donc, non, ça fait quand même un bon moment que j'ai pas autant apprécié un pay-per-view de la TNA. Quand je dis pay-per-view, c'est pas les choses spéciaux télévisées comme Genesis par exemple. Quoique Genesis cette année c'était un pay-per-view. Mais Sacrifice par exemple. Donc oui, c'était très bon pour moi. Enfin, très bon. C'était très appréciable, même s'il y avait quelques matchs pas forcément d'une grande qualité technique, comme le match de Ethan Carter 3, mais c'était divertissant. Et je voudrais ajouter un truc qu'on n'a pas évoqué. Dixie Carter, pour faire la promotion de ce Bound for Glory, a été très limite sur Twitter, en faisant des parallèles entre le nom James Storm et la Storm, la tempête en anglais, parce que sévère à l'époque où typhon. il y avait Banff-Olghori, il y avait un typhon sur le Japon. Elle a fait des tweets assez limites en disant, par exemple, un typhon arrive à Tokyo et après elle s'est excusée en disant, bah, je voulais parler de James Storm, alors que pas du tout, c'était fait exprès, quoi. Et du coup, c'était assez limite et ça montre que la CNN fait tout et n'importe quoi pour parler d'elle, quoi. Ce qui est pas nouveau, hein, mais c'est inquiétant. Ouais, non, c'est sûr, là-dessus, Dixie, c'est un paradoxe éternel, ça. Bon, mais ma note, c'est un consensus entre vous deux, et ça sera la moyenne directe, ça sera 5. Parce que finalement, le show, oui, se laisse regarder, à mon goût, quand même, il est un peu trop court, je fais vraiment fi, dans ma note, du contexte, parce que quand même, ça me révolte beaucoup que Bound4Glory soit quand même brisé. C'est quand même la vitrine de la TNA. Et que ça soit finalement traité au même niveau que leur One Night Only Outbreak qu'ils avaient disputé au Japon il y a 6 mois de cela à peu près, qui avait limite la même configuration parce que il y avait à peu près le même roster, j'ai dit à peu près, pas tout à fait tout de même, mais voilà, que autant dire que il y a vraiment des gros soucis à se faire à ce niveau-là. J'ai pas compris pourquoi se priver d'autant de têtes d'affiche. Vraiment, c'est un délire que je ne m'explique pas. Après, le fait qu'évidemment, il y ait eu les tappings depuis, est-ce que ça a eu d'influence ou pas? Sachant qu'il y a eu les deux titres défendus qui ont changé de main entre-temps, et les tappings, non, c'est ça qui est très curieux, quoi. Mais bref, à l'arrivée, c'est tout de même à souligner, je dirais, ce qui est un bon point et qui rajoute facilement un point dans ma note, qu'il n'y a pas eu de fanship, donc pas eu de roll-up. Ça, c'était assez appréciable déjà parce que c'est, je Je pense crois. que si j'avais fait ça au Japon, il se serait pris quand même pas mal de critiques. Parce que les fins avec roll-up au Japon, c'est que c'est très rare. Ouais, Comme les fins avec disqualification et encore plus des coups à l'extérieur. donc voilà, au moins ils ont voulu soigner les fins de match, même si bon, il y a eu deux trois fins de match qui étaient pas terribles, terribles, mais tout de même, c'était au moins soigné. Donc autant dire que bon, à l'arrivée, ça me laisse un sentiment très mitigé. C'est le show qu'on regarde une fois, qu'on oublie tout de suite après, c'est ça qui est malheureux pour Bound for Glory, je trouve. Voilà, donc ça fait 5, la moyenne totale. Sur ce, donc bon, au moins il n'y a pas eu trop de bashing, mine de rien. Je me suis retenu parce que bon, j'avoue que j'étais pas très content du fait que la TNA ait bazardé littéralement ce Bound for Glory. Donc au moins dans l'analyse, c'était assez Finalement, nuancé. le pay-per-view est moins bon que les show weekly, hein, on peut le dire, hein, parce que Ah actuellement, oui. c'est quand même Ah oui. plutôt bon, Ah, hein, moi j'aime bien. les show weekly, ces temps-ci en plus, on ressortait tout juste d'une énorme série de matchs pour les titres par équipe, remportés par les Wolves contre la Team 3D et les Hardy Boys, avec les matchs à stipules, dont le dernier qui était Full Metal Mayhem, c'est-à-dire la TLC, match de l'année. Très sûrement Ouais. même. Donc c'est pour ça, c'est ça qui est gênant. En effet, t'as raison. La TNA offre vraiment de très beaux matchs. Il y a encore là, tout à fait mercredi dernier, il y a eu un match à 4, Bobby Roode, Eric Young, Austin Harris, Jeff Hardy. Les 4 n'y étaient pas à Bound for Glory, ils ont fait un match impeccable. Donc, si tu te mets dans la peau du consommateur, tu te dis finalement, j'ai pas besoin de payer pour voir des choses, j'ai mieux en gratuit. Donc, c'est un Ah bah. message qui est C'est ça qui est très assez malheureux, mauvais. c'est que là, les chiffres, les ventes s'annoncent catastrophiques. Ouais, ça, je pense que ça va être Et puis, la soupe à la grimace. en plus, comme c'était au Japon, tu avais les résultats vers 2-3 heures de l'après-midi et En ce qui plus, fait que c'était diffusé t'avais 10 heures après aux pas États-Unis. 2-3 heures de l'après-midi pour nous Français, mais Ah ouais. du coup, oui, c'était pas terrible pour ceux qui regardaient les pay-per-view, quoi. Mais au moins la TNA, ça l'a aidé à faire des cuts, comme du discours à la fin, et puis deux, trois soucis apparemment, j'ai lu ça, de production à la Wrestle One. Voilà. Donc en 10 heures, Oui, non, mais là, je sais, enfin, c'est c'est cut. quand même assez bête parce qu'il y a plein de catcheurs de la TNA qui sont pas dedans. Du coup, c'est un peu dur de rentrer dans le pay-per-view, surtout qu'il n'y a qu'un match où il y a vraiment une rivalité, quoi. Bah oui, Enfin, donc à c'est l'arrivée, c'est pas. en One Night Only, ce qui est très con. Ouais. Et vu comment les One Night Only marchent bien, Ah ouais. ça marche tellement bien qu'on sait pas quand c'est diffusé. Ben ouais, malheureusement. Mais bon, enfin, sur ce, au moins, tout n'est pas dégueulasse à la TNA, loin de là. Mais le problème, c'est que les choses sont limite faites à l'envers. Donc bon, enfin prochainement, il y aura une grosse annonce en tout cas. C'est très sûrement sur le nouveau réseau sur lequel sera diffusé Impact, bien sûr, parce que sachant que le contrat se termine dans 10 jours sur Spike TV. Donc C'est très peu probable quand même qu'ils re-signent chez Spike TV parce que ah oui, même un tas de catcheurs de la TNA déménager. disent Ça, c'est que ici là, c'est. teaser directement qu'ils vont déménager. Donc, Oui, non, mais un tas de catcheurs de la TNA disent que Spike TV fait quasiment pas de production pour. Enfin, de promotion, pardon, pour le show Impact. Ils font juste une pub une demi-heure avant le show et sinon c'est tout. Et par exemple, si vous allez sur le site de la TNA, sur les côtés, en fait, ils font la promotion de l'émission Amazing Race, qui est une émission de télé-réalité comme un peu Pékin Express. Ça a été diffusé en France, ça n'avait pas marché. Parce que cette année, Robbie E et Brooke Tessmacher participent à la nouvelle saison, et comme c'est diffusé sur la chaîne CBS, la TNF fait la promotion de cette émission, alors que c'est pas du tout une émission de Spike TV. C'est pas la Bellator ou autre chose, quoi. Du coup, c'est clair. c'est faire la promotion d'une autre chaîne télé alors que t'es chez Spike TV, ça fait moyen, quoi. Donc c'est très très peu probable qu'il re-signe chez Spike TV. C'est peut-être un indice, ouais. Ouais, ça on vous tiendra au courant d'ailleurs, ça c'est sûr. Et puis Ils peuvent choper une chaîne, si la dirigeant de CNS se débrouille pas trop mal, ils peuvent choper une chaîne pas trop, comment dire, de faible audience, parce que même si c'est pas des chiffres énormes par rapport à Monday Night Raw, mais Impact rassemble quand même 1 million de spectateurs chaque semaine, environ. Ce qui est pas non plus dégueulasse. Oui, et puis au moins c'est suivi en Angleterre parce que là je rebondis sur une news que me signale Seb, bien sûr, c'est que la saison 2 du British Bootcamp va débuter ce dimanche avec de belles têtes d'affiche anglaises, écossaises aussi, avec Grado notamment, donc ça s'annonce intéressant quand même, hein. Donc Oui, pourquoi pas. Ouais. Après, faut voir, je suis assez intrigué par cette nouvelle saison de British Bootcamp. Ils ont enregistré sous la forme d'un show à Londres, le samedi, je sais plus quand, au mois d'août, mi-août. La première saison était très tournée de télé-réalité, et là j'ai l'impression que c'est plus tourné catch. Donc je me demande comment ils vont tourner ça, ils vont présenter ça. ben on verra bien, et puis Ouais. peut-être, sait-on jamais, on fera un numéro si ça a vraiment un caractère exceptionnel, mais au moins on vous relaiera ça, ça c'est sûr, vis-à-vis au moins du gagnant, parce que bon, ça peut être quand même une star dévoilée, parce que mine de rien, le catch britannique a beaucoup de qualité, et ce week-end d'ailleurs, il y a Austin Aries qui y va, et puis récemment il y a eu Samoa Joe, il y aura bientôt les Wolves qui vont venir aussi, Ça a enfin. été annoncé aussi que Magnus va y retourner en fin d'année. Il y a eu Bully Ray Devon aussi la semaine dernière, par exemple, enfin vraiment, oui, il y a 2 semaines plus tôt, donc forcément, Mister Ils y vont Anderson pas non plus aussi, pour enfin. affronter des manches chevalées, quoi. Ah oui, limite, c'est à se demander qui de la TNA n'est pas encore venu lutter en Grande-Bretagne cette année, parce que. Dans les têtes d'affiche, à part Bobby Lashley, je vois pas. Ok, Ouais. il y a Bobby Roode. Parce que même MVP, bon, après MVP, il a eu le syndrome, ben c'est au moment de son anniversaire, donc du coup Oui, c'est finalement. blessé là-bas, donc. Mais au moins il a assuré les apparitions, mais il n'a pas lutté finalement, donc voilà, À c'est. part la première fois qu'on s'est blessé, Oui, quoi. voilà, c'est ça, mais sinon, voilà. Et sinon, ouais, voilà, il y a absolument tout le monde, et donc Jeff Hardy peut-être aussi, donc il me semble n'y est pas allé aussi, mais sinon. Ça, c'est pour des raisons légales, Voilà, c'est ouais. bon. Coucou Gus, là voilà, ça lui plaît ça, ce genre d'allusion. Bon, mais sur ce, je pense qu'on peut fermer ce numéro et penser à la liste des partenaires. Avec donc un partenaire Voxcatch qui nous a fait donc ce superbe logo, merci la reine, ce nouveau logo de Wessos Radio, avec une superbe partie que vous pouvez voir bien sûr. Tout mauvais noir, Voxcatch. bizarrement. Je sais pas pourquoi ces couleurs. Ah, oh, c'est un peu nos couleurs, hein, je dirais. Et Oh. ben ouais. Et il y a aussi la review que je fais de Bound for Glory où à peu près je dis ce que je viens de dire de toute façon dans le podcast. Peut-être légèrement moins nuancé tout de même. Tout plein d'articles comme d'habitude, des brèves, l'actualité de WWE 2K15 aussi bien sûr. Et donc voilà. Prochainement en plus, il y aura une petite escapade de Vincent et Pierre à Westcatch en Bretagne. Vous en parleront Et parce qu'il y a quand même London et Brian Kendrick qui seront présents, donc. Eh oui. Et puis, Ça s'annonce très intéressant. Sachant que les cousins Wauthier participeront à un séminaire avec justement ces deux-là. Coucou, cousin Wauthier, bien sûr, dont on suit attentivement la carrière. Donc, Marc Sébir aussi, qui va partir aux États-Unis maintenant, c'est officiel, voilà. C'est tout chaud. Voilà, c'était pour les petites nouvelles aussi. Et Ian Colby aussi, qui a fait récemment un tour européen. Avec des apparitions notamment aux Pays-Bas. Ah ouais. Sur un show où était Paul London et Michael Nagy, bizarrement. Et voilà, eux c'est les plaques tournantes en ce moment, de toute façon, hein, en Europe. Hein. Sauf malheureusement en France, jusqu'à Westcatch. Au moins ça c'est très bien. Très bonne initiative. Ensuite, bien sûr, Wrestling Original, FN Lutte, Catch as You de Showtime qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir en dernière minute, mais qu'on salue. Révolte la radio de Kevin. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Facebook à Wessos Radio. Il y a encore le entre parenthèses officiel, je crois. Voilà. Sur Twitter, @WestOS Radio. Bien sûr, suivez-nous toujours sur YouTube. Hein. On a atteint la barre des 100, ce qui va faire les lives très prochainement. Donc jeudi dans 10 jours, donc vous aurez le premier live sur YouTube, qui sera donc sur la WWE Late Night Wrestles sur Hell in a Cell, comme qui dirait notre cher ami Renaud, Hell in the Cell. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et Et d'ailleurs, Broussi, ils vont faire comment pour mettre la cage? C'est un tout ouvrant. ah oui, ça c'est Kevin, voilà. que je ne perde pas le fil, vous pouvez nous écouter aussi sur archive.org, bien sûr. Et on va reprendre le fil sur iTunes. Malheureusement, MP a quitté l'aventure. Mais ça sera repris sur iTunes prochainement, on vous tiendra au courant. Il a quitté l'aventure de Koh-Lanta ou de Wrestling Radio? Je sais pas, il paraît que c'est Moundir d'ailleurs qui l'a quitté aujourd'hui, c'est à voir, donc je sais pas. C'est vrai, on lui demandera. N'hésitez pas à réagir et merci beaucoup en tout cas de nous suivre, ça nous fait toujours très plaisir. En plus, vous voyez un petit peu certaines de nos tronches, en tout cas là vous voyez nos trois tronches à nous là. Donc on va bientôt vous dévoiler d'autres tronches, on espère. Hein, Renaud? Bref, sur ce, normalement à l'année prochaine pour la TNA, on va dire. D'ici là, bien sûr, les nouvelles. Et puis donc, le prochain Late Night Wrestles, qui sera le jeudi 30, mais on espère ne pas vous faire peur, la veille d'Halloween, bien sûr. Et puis ensuite, on vous réservera de toute façon une surprise avant Survivor Series, sachant que on va être du côté de l'Old Show de Paris-Bercy, donc on vous relèvera tout ça. Voilà. Donc sur ce, merci à vous et puis merci à mes deux acolytes et à la prochaine. À ciao, bonne semaine.